Je peux vous poser une question ? Bien sûr. J'aimerais comprendre pourquoi ils nous filment. Déjà, ils l'ont fait tout à l'heure à l'entrée du bus et maintenant encore assis à notre place. C'est parce qu'on va à Ayacucho. Comme on traverse des endroits hauts et déserts, ils essayent de dissuader les bandits. Des fois, il y en a qui montent à Lima et voyagent avec nous jusqu'au moment où ils sortent un pistolet pour nous obliger à descendre à l'endroit de l'embuscade. Permettez. Moi, on m'a dit que ça sert surtout pour l'identification des cadavres. Comme il y a souvent des accidents et que les précipices sont profonds. Tandis que la caméra balaye les visages, chacun regarde l'objectif un peu crispé, en songeant que cette image lui survivra peut-être. Un avantage indéniable quand on songe au médaillon des cimetières. Ce bout de vie retranché d'un repas d'anniversaire, d'un baptême, sans que celui qui souriait à cet instant ne soupçonnât le moins du monde qu'on prendrait cette photo 10 ans plus tard pour décorer sa tombe. Passé le col de Cerro de Pasco, des tickets sont distribués pour une loterie qui donne droit à un voyage-retour pour le gagnant. Il fait froid, l'eau gouttelle sur les vitres. Les sièges balancent à chaque virage, mais chacun s'applique à percer les cases, les yeux rivés sur son ticket. Et si le gagnant meurt pendant le trajet ? Alors sa chance n'aura servi à rien. Devant les phares, une brume épaisse. Des plaques de neige dans le fossé. Depuis un mois, entre Bolivie et Pérou, je parcours ce plateau au-dessus des nuages. On dit ici que l'altiplano est le corridor que les morts empruntent pour marcher jusqu'à l'au-delà. Un purgatoire percé de routes et couvert de villages où sont aussi les vivants. On est le 30 octobre, veille de Toussaint. Je pars retrouver un ami à Ayacucho. Aya, le cadavre. Cucho, le lac. Ayacucho, le lac des morts. Décidément. Géographie du purgatoire. Une traversée des Andes. De Anne Cibran. Épisode 4. L'île qui n'existait pas. En des temps très anciens, lorsqu'un homme mourait, on l'éveillait 5 jours durant. Alors son âme sortait, pas plus grand qu'une mouche, et se mettait à voler partout avec un petit bourdonnement. Je vais voir Pariacaca, c'est lui qui nous a créés, disait l'âme en partant. Au bout de 5 jours, les âmes revenaient à leur maison. Les familles les attendaient avec nourriture et boissons. Ça y est, me revoilà, disaient les âmes en rentrant, et elles se réjouissaient avec toute la famille. Or, en ces temps reculés, il arrive à qu'un homme mourut. Ses parents, ses frères et sa femme préparèrent tout pour son retour le 5e jour. Mais l'homme ne revint pas. Il ne réapparut que le lendemain. Toute la famille était furieuse. Quand elle aperçut, sa femme lui dit « Pourquoi es-tu si paresseux ? Les autres hommes reviennent toujours à temps. Qui es-tu pour nous savoir faire attendre un jour pour rien ?» De colère, elle lança un trognon de maïs sur la petite âme, qui s'enfuit aussitôt. Depuis ce jour, plus aucun homme ne revient vivre après sa mort avec les vivants. Le soleil s'est levé. Je découvre ces montagnes crayeuses, arides et clairsemées. La sève tassée dans les ravines, au fond des gorges. Quelque chose de familier. L'impression de connaître déjà sous mes pieds la matière des chemins. Un paysage méditerranéen sur ce plateau andin. Mais de cette Méditerranée archaïque et farouche, dressée sous un soleil vertical, comme une scène de tragédie. Anita ! Felipe ! Comment ça va ? Très bien. T'as fait bon voyage ? Oui, super. Donne-moi ton sac. On marche jusqu'à la maison. La réalité d'aujourd'hui a dû tomber dans une embuscade. La frénésie des voitures, les maisons de parpaings et les supermarchés ne sont pas arrivées jusqu'ici. Ayacucho baigne dans l'authentique, avec l'haleine des étables, les feux de cheminée du soir qui tombent, cette chaux qui s'effrite un peu partout sous les bras des balcons. Une ville qui s'alanguit et qui s'esclave sur les bancs. Où le rire des enfants coule au fond des impasses. Où l'on entend l'essoufflement de la vieille au milieu de la pente. Et la voix propre de chaque petite église, parlant chacune à son heure, comme font les oiseaux. On y est. Felipe sort une clé de 30 cm. La porte est si épaisse qu'il est obligé de la pousser des deux bras. Dans le couloir de l'entrée, la reproduction d'une peinture de Felipe qui représente Ayacucho. Les maisons ondulent, semblent se gondoler et se dissoudre, avec des murs de terre qui repartent à la boue. C'est comme ça que je voyais la ville au début de la guerre. L'impression que la terreur déformait les murs, soulevait les pavés pour les rouler en bas des rues. En 1984, Felipe s'est enfui à Paris avec sa femme et ses enfants. C'était aux pires heures du Sentier Lumineux, un groupe armé d'obédience maoïste qui a levé une guerre civile entre 1980 et le milieu des années 90 dans les régions montagneuses de l'est du Pérou. Entre les expéditions punitives des révolutionnaires et la répression de l'armée, on estime aujourd'hui que 70 000 paysans sont morts assassinés dans la province d'Ayacucho. 20 ans après seulement, Felipe est revenu habiter sa maison. C'était devenu insupportable. Les lumières qui s'éteignaient chaque nuit dans la ville. Tout le monde tapis sous les fenêtres à écouter la porte du voisin défoncée à coups de crosse avec les cris d'effroi et les supplications. Et tout ça dans les noirs. À redouter qu'il débarque chez nous, nous emporte sans raison. Comme ces maisons de vacances qui distillent des années après des souvenirs de confiture et de sieste, la maison de Felipe semble figée aux dernières semaines, quand les enfants jouaient encore dans le patio, avant ce départ précipité, ces portes clouées de planches, qui la condamneront au silence pendant toutes ces années. Avec une loyauté touchante, la maison veille encore sur les reliques de dinette qui pourrissent à l'ombre d'un cactus. Tout parle ici du temps d'avant. Oye, Margot, ¿está lista la comida? En poco tiempo. Chaque matin, Margot vient aider Felipe à s'occuper de Teofila, que Felipe n'appelle jamais autrement que la viejita, la petite vieille. Teofila est la quatrième femme de son père. La mère de Felipe, première épouse, est morte en lui donnant la vie. Bien. Je vais te présenter à la viejita. Teofila ressemble à un vieil oiseau, maigre et déplumé, prostré dans l'ombre. Elle lève vers moi sa tête minuscule et me regarde avec ce mélange de feu et de brume qu'on trouve parfois dans le regard des vieux. Oh, qu'elle est grande! Ce jour-là, elle ne dira rien de plus. La fête des morts est une dînette d'enfants, un goûter bariolé posé partout sur les trottoirs. Autour des marchés, les rues sentent la brioche, tantawawa, pain à tête de chevaux, tresses roulées dans le sucre ou les raisins. Et tout ça pour réveiller la gourmandise des morts, les attirer sur la terre, à la surface du monde, par les sentiers anodins d'une odeur de caramel, d'une nostalgie de bonbons. Il y a tant de métiers minuscules serrés autour d'un seul geste, cantonnés dans une brouette. À l'amplitude d'un bras, vendeuse de tranches d'ananas, de pain de sucre, de petits bouquets d'œillets, d'œufs de caille. Un petit monde à lui seul, ce chariot brinque-ballant comme une maison à deux étages. La cuisine au-dessus, où les œufs sont bouillis avec la cocotte et son petit réchaud. Tandis qu'au rez-de-chaussée, les cailles serrées dans un carton sont à pondre, certainement. Tout à l'heure, avant de sortir, j'ai été saluer Teofila. Je l'ai trouvée les jupes relevées à la lisière de l'ombre, en train de tremper ses vieux genoux cagneux dans un bain de lumière douce. Comment elle est pour toi cette journée? Meilleure? La même? Ou pire qu'hier? Meilleure? Et pour vous, Teofila? Tu sais, moi, je n'ai plus l'âge d'aller vers le meilleur. Mais ma journée est semblable à celle d'hier. Ce qu'il y a de mieux espéré pour ma vie à présent. Tu vas au cimetière? Oui, j'ai rendez-vous avec Felipe. Alors, tu chercheras la tombe de mon mari. Tu lui diras que je ne vais plus tarder à le rejoindre maintenant. Aujourd'hui, les morts ne remontent que 3 jours par an habiter les maisons. Les 2 premiers jours, on les accueille. Ils ont leur coin. El rincón de los muertos. Avec leurs photos, les choses cuisinées pour eux. On se met à table avec eux. On se souvient de bons moments. Mais le 3e jour, on les raccompagne au cimetière. Chacun son monde. Les morts redescendent habiter sous la terre pour le reste de l'année. Là encore, toutes sortes de petits métiers s'improvisent dans le cimetière. Barbouilleurs de murailles à la chaux, des herbeurs, porteurs d'eau, grimpeurs d'échelles pour vieilles dames trébuchantes, et même quelques habiles emprunteurs de vases sur la tombe du voisin. Déjà, les premiers recitadores vendent leurs prières en échange de quelques soles, ou des chansons à la guitare. Le cimetière d'Ayacucho est une nécropole de maisons dressées comme des cadres de ruches, et dont chaque alvéole est operculée par une tombe. Devant la porte du tombeau, tout est farci de couleurs, de ferrailles, de fleurs, sèches ou vives, de portraits, de peintures, de faïences, de cuivres clinquants. Le regard est aspiré par quelques tombes vides. Mystère de ces trous béants, ouverts à tous, terrifiants de banalité. Vinay Fernandez Rua, Elizabeth Quispe Ramos, Ángel Mendoza, Carmen Rosa Flores León. À en croire ces façades peintes avec les saints et les anges, chacun espère un ciel de l'autre côté du trou. Coincée derrière la porte vitrée d'un tombeau, je découvre cette lettre écrite par une morte 3 jours après qu'elle a été enterrée. Un message de l'au-delà. Siento tu aliento, siento tu sentimiento, te miro, te abrazo, pero no me sientes. Es desesperante. La lettre a été découverte un matin sur la table de la maison où la morte habitait. Une feuille arrachée d'un cahier où l'on reconnaissait son écriture sans le moindre doute. Le jour même, le mari est allé au cimetière rendre la lettre à sa femme. Une fois passé le seuil, les vivants et les morts ne se mélangent plus. Je sens ton souffle, tout ce que tu ressens. Je te regarde, je t'embrasse, mais tu ne me sens pas. C'est désespérant. Elle s'appelait Josefina Mendoza de Prado, mise en terre le 27 octobre 1966. Devant la tombe du père de Felipe, me revient le message que Théophila m'avait laissé pour lui. Elle m'a demandé de vous dire qu'elle ne va plus tarder à vous rejoindre maintenant. Pour les paysans andins, l'homme a 3 âmes. La première, c'est son corps qui sera enterré. La seconde ira au ciel après la mort. Quant à la troisième, elle partira après les funérailles sur les chemins de l'autre vie. Les rites de Toussaint aident le mort à franchir chacune des étapes qui l'emmèneront au paradis. Un corps laissé sans sépulture ou disséqué, violenté, est condamné à la malmort. Comme il ne peut entreprendre le dernier voyage, il devient une âme errante, prisonnière entre 2 mondes. Parmi les 70 000 victimes des massacres d'Ayacucho, la plupart sont des disparus. Dénoncés, attrapés à la sortie de l'école ou en revenant du champ, et emportés par l'armée ou la guérilla sans qu'on ne les revoie plus. 3 questions sont inscrites sur la façade du mémorial d'Ayacucho. Où sont les disparus? Sont-ils vivants ou morts? Où sont leurs corps? Cette petite maison est un cimetière d'absents. sous la mosaïque de photos en noir et blanc, un tapis de bougies allumées. Pour les paysans de ces montagnes, ceux qui n'ont pas rendu les corps n'ont pas seulement volé la vie de leurs proches, ils les ont surtout privés du paradis. Chacun a apporté ici, dans ce musée, ce qui lui restait du disparu. Une photo minuscule, un fragment de lettre, un cahier d'écolier, son dessin qu'il a fallu arracher au mur de la maison. Des traces infimes. Ils n'avaient rien, ces jeunes tués entre 14 et 25 ans. Chaimanta, yana papapunata tapurkani. Tioiki tchakhreapi. Elle ne m'a pas entendu approcher. La petite vieille debout dans le noir au fond du musée qui parle à ce bonnet de laine accroché derrière une vitrine. La dernière trace de son petit-fils, disparu il y a plus de 20 ans. Chaimanta, nanaiki skolapi alim milianka. Combien de kilomètres a-t-elle parcouru pour venir visiter cette petite âme errante qui, n'ayant pu trouver le repos sous la terre, dans le ciel, habite là, sans doute, recroquevillée dans le seul habit qui lui reste encore et qui lui fait comme une maison. Mariumi yankichu, ususinki harimilia iruna kaska. C'est ce que croit la grand-mère, avec une telle ferveur qu'elle lui raconte tout. La récolte des pommes de terre, les enfants nés dans la famille, comment va le troupeau. Et rien ne fléchit dans sa voix. Inexorablement, elle relate chaque détail de l'année écoulée, comme pour transfuser un peu de la vie des siens dans cette âme égarée, cachée sous un bonnet de laine dans le coin d'un musée. Je raconte, tu racontes, il raconte. Au temps de l'invisible. Ce temps pour passer le rideau du réel, frayer dans l'univers du conte. À côtoyer les morts dans les cimetières, j'ai un peu appris des vivants. Et comment tout se vit ici dans un cycle sans rupture qui suit la ronde des saisons. Repus de sucreries, d'alcool et du rire des enfants, les morts peuvent repartir dormir sous la terre. Leur gratitude fera germer le maïs et appellera la pluie. Tout est en ordre. Et même le cliquetis discret de la terminaison « skrank » « skrank » pour indiquer que l'on passe la porte de l'autre monde. Quelle autre langue sait faire entendre une serrure aussi subtile que celle-là ? J'ai l'impression que le voyage m'a abrasé peu à peu pour passer le seuil d'entre ces mondes. Quelque chose s'entr'ouvre où les rencontres, les endroits traversés, les lumières conspirent à tisser la réalité et le rêve sur la même trame. J'étais à Cusco depuis quelques jours quand cela m'est arrivé. Une chose que ma langue, hélas irrationnelle, ne sait pas conjuguer. Un ineffable qu'il faut bien pourtant que je raconte, même si personne ne le croira. Tu connais l'histoire du chat qui fait la grêle ? Manan parancho in chaka, tintishanmi. Ah oui, je la connais aussi. C'est le chat qui devient un nuage. Puyuman tukun. Et alors ? Ben, ce chat, il était très particulier. Abraham, l'ami d'Urpi, nous fait traverser à bord d'une vieille voiture ses souvenirs d'enfance, les lieux importants pour lui. On en profite pour pique-niquer. Comme tous les paysans, les gens modestes, Abraham et Urpi ont une vie incroyable où une réalité parfois sordide côtoie aussi le merveilleux. Ici, pour chaque endroit, il y a une légende. Au lac Piurai, Abraham me décrit la cité engloutie où vivent les sirènes et dont les maisons brillent la nuit. J'ai vu à Lucre le rocher autour duquel on enroula la corde qui retint le soleil un moment, provoquant une éclipse. À Pisac, on m'a montré le sommet de la montagne sacrée où deux lions apparaissent les nuits de pleine lune pour faire l'amour en rugissant. Piquiliakta, le village des puces, où un Inca cruel enferma Atukremak, celui qui parle avec les renards, le prétendant de sa fille, dans une pièce noire de puces où il fut dévoré. Aujourd'hui, on est assis devant le lac Huacarpay. Tu vois les maisons là-haut ? C'est là que je vis. Et il a une histoire aussi, ce lac? Bien sûr. Taimanta, Rimaguay, Rimaguay. Ce qui veut dire, alors raconte, raconte. Les vieux prétendent que ce lac est relié avec le lac Urcus, qui est situé de l'autre côté de la montagne. On raconte qu'il y a une île, Champa, qui apparaît parfois. Elle traverse ce lac, passe par l'intérieur de la montagne et elle ressort de l'autre côté. C'est un lac vert et mauve, entouré de totoro, cette herbe haute qui pousse aussi sur les rives du lac Titicaca et avec laquelle on tissait les barques dans le temps. Un jour, c'était du temps de ma grand-mère, une jeune femme vient faire sa lessive. Elle étale les couvertures partout sur les herbes sans savoir que c'est sur l'île Champa que les tissus sont posés. Puis elle se sent prise d'une étrange torpeur et s'allonge dans l'herbe pour dormir un moment. À son réveil, tout a disparu. Son mari la gronde. On croit qu'elle a perdu le linge. Un mois plus tard, elle retrouve les tissus de l'autre côté de la montagne, sur les rives du lac Urcus. L'île les avait déposés sur la berge. Tandis que j'écoute Abraham, les yeux tournés vers le lac, je vois un îlot d'herbe haute dériver vers nous lentement. La vision est si réelle que je ne comprends pas tout de suite que c'est le conte précisément qui défile sous mes yeux. Abraham, l'île Champa, celle qui emporta le linge de la jeune femme, elle était un peu comme celle-là ? Abraham lève la tête, il blêmit, se frotte le visage, puis me regarde en hochant la tête. Anita, ce n'est pas possible. Cette île n'existe pas. Je ne veux convaincre personne. À trop baigner dans l'intervalle, les cloisons du réel sont tellement fines qu'on peut aussi avoir rêvé. Mais nous étions trois ce jour-là, à partager le même émerveillement. Nos têtes suivant d'un seul mouvement le passage de l'îlot d'un bout à l'autre du lac, incapables d'ajouter un seul mot. Elle glissait sans un vent, l'île qui n'existait pas. Avec une indolence singulière, jusqu'à cet envasement où sont aussi les flamants roses. Puis elle s'est fondue dans le mouvement des herbes et plus rien n'a bougé. En repartant, nous avons croisé un paysan. Comme il s'arrêtait pour nous demander où nous allions, je lui ai dit que nous venions de voir l'île Champa, l'île de la légende, celle qui vole le linge des jeunes femmes. Sans s'émouvoir le moins du monde, l'homme a alors répondu « Ah, vous l'avez vu. Alors, c'est le signe qu'il va pleuvoir bientôt. » Géographie du purgatoire. Une traversée des Andes. De Anne Cibran. Quatrième épisode. Avec Chloé Réjon, David Durán Camacho, Marisa Rubio, Víctor Cuevas, Julio Arguedas, María Hugo, Alejandro Calderón, María Celina Lozano, Luzmila Carpio, Odil Lauría, Manuel Ulloa Colonia, Emiliano Suárez. Chanson originale de Luzmila Carpio. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy et Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Claude Nior, Arnaud Chapat. Assistant à la réalisation, Lélio Ploton. Réalisation, Laure Egorov. Remerciements à Jean-Philippe Navarre, Benjamin Chauvin et Jean-Marc Lotel.